point dire ton chou sans user de couleur. Je voudrais te parler et te prendre une maudite part de jaune orangé. Celle qui montre le bord de la peau et qui mord jusqu'après ton crépuscule défait. Je voudrais perdre pour toi la touche de bleu outre-mer, chapardée dans un trésor cuivré qui fait les quelques mots, le peu de cris de l'eau et le feu de vertige et de tension qui, mer, et vague sur vague, enchaîne les saisons. La vague sur le mont Cabriole, murmure de maisons en algues, entraîne l'alizée de poissons couleurs en rafiaux échoués dans les herbiers marins ouverts, sans papier et sans montagne, dans les susurrements noyés sans raison, jusqu'au bord du ciel salé qui raffole et festoie de gemmes diaphanes et d'échos bleus appétissants. Je voudrais... Quoi ? Des léviathans, des dauphins, bruns, joueurs, je voudrais vanille. Soleil. Brille.